Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Septième épisode. La terreur des armées. À l'automne 1920, Mathilde est allée voir de ses yeux la tombe de Manèche au cimetière d'Herdelin dans la Somme. Le détective qu'elle a engagé, Germain Pire, n'a pu retrouver ni Tina Lombardi, ni Célestin Poux. Alors que les années passent, Mathilde reste persuadée que l'un au moins des cinq soldats condamnés à Bingo Crépuscule est toujours vivant. Un beau jour de l'été 1924, sans crier gare, un motard s'est arrêté devant le grand portail de la villa de Cap-Breton. Bien des années plus tard, quand il arrivera à Mathilde de penser à Célestin Poux, ce qu'elle reverra de lui en premier, ce sera ses cheveux blonds et les deux gros ronds de peau rose bien propres qu'il gardait autour de ses yeux bleus, en débarquant ce dimanche doux à la villa. Je crois qu'un coup d'eau sur la figure ne me ferait pas de mal. Bien sûr. Le reste de son visage n'était que poussière noire. Sylvain, tu veux bien conduire Monsieur Poux à l'une des salles de bain, s'il te plaît? Oui, suivez-moi. Oh non, laissez donc. Je vois une pompe là, ça m'ira très bien. Comme vous voulez. Il s'est lavé le visage et le torse à grande eau, puis il est allé à sa moto pour changer de chemise. À l'arrière de sa machine était arrimé un grand sac de marin, des bidons, un réchaud à bois, une toile de tente. Rien que pour déballer tout ce barda, n'importe qui aurait perdu le restant de la journée. Mais Célestin Poux n'était pas n'importe qui. Il avait en toute chose le génie du désordre organisé. 5 ou 6 minutes plus tard, il était assis avec Mathilde sur la terrasse, propre et frais, prêt à raconter sa vie. Je vous demande pardon, mademoiselle, si je peux pas me souvenir de tout. J'ai vécu tant de jours depuis les tranchées. Et puis, à la guerre, on est chacun dans son coin avec son lot de petites misères, de petits bonheurs. Ce qui se passe à côté, on le voit que par bribes. Mais vous vous souvenez de Bingo Crépuscule, sinon vous ne seriez pas là. Oui. J'ai repensé bien des fois à ce dimanche de janvier et aux 5 condamnés dans la neige. Moi aussi, je me dis que c'était une belle saloperie, tout ça. Mais je veux pas vous mentir. Ce que j'en revois aujourd'hui n'est guère plus net qu'un soir d'avril au Chemin des Dames ou la mort de ma mère quand j'avais 10 ans. Et eux, vous les avez vus mourir? Vous avez vu mourir Manèche? Le premier que j'ai vu mourir, c'est Sissou. C'était le dimanche matin. Tout à coup, alors qu'on dormait encore plus ou moins d'un côté comme de l'autre, il s'est mis debout, en criant qu'il en avait marre de toute cette merde et qu'il voulait pisser comme un homme, pas comme un chien. La gangrène le bouffait depuis des heures, il délirait à moitié. Il titubait d'un bord à l'autre dans la neige, la braguette ouverte. Alors un gars qui parlait français dans la tranchée d'en face a élevé la voix vers nous. On est marre de cette merde! Marre de cette guerre! Je suis pas élevé! Je suis debout! Oh! Vous êtes des lâches à laisser un camarade à vous comme ça! Ihr Feiglinge soll es sein! Et toi, connard de choucroute! Si t'es courageux, dis-nous ton nom, que je te fasse avaler tes couilles si je te retrouve! Moi, c'est Favourier! Le jour s'est levé. Sissou allait et venait, tombant et retombant devant la tranchée allemande. Il disait qu'on devait tous déposer les armes et rentrer chez nous. Que la guerre était ignoble, enfin des choses de ce genre. Et puis, il s'est mis à chanter. Il chantait pas bien, il était à bout de force. Mais on l'écoutait tous le cœur serré. Et dans les deux camps, on se taisait. Et puis, il s'est assis dans la neige. Il prononçait des mots qui n'avaient plus de sens. Et soudain, comme ça, quelqu'un a tiré de la tranchée d'en face. Il a pris la balle dans la tête et il est tombé en arrière, les bras en croix. Cela, je l'ai vu de mes yeux. Pourquoi on avait tiré à ce moment-là, sans plus de raison qu'une seconde avant, j'en sais rien. Oh, les chiens. Ils ont un chef de bataillon aussi fumier que le nôtre. Et leur téléphone doit être naze depuis cette nuit, sinon ils n'auraient pas attendu aussi longtemps les ordres. Faut vous dire, mademoiselle, pendant la nuit, les Boches avaient lancé des grenades n'importe où dans le bled. À la fin, le capitaine parle mal, on avait ras le képi. Alors on leur avait mis quelques bons coups de crapouillot pour les calmer. Et Manèche, vous l'avez vu mourir lui aussi ? Non. Quand c'est arrivé, j'avais dû partir quelque part pour faire je sais plus quoi. J'étais toujours un peu le tampon de quelqu'un là-bas. Et d'ailleurs, ça me plaisait. Parce que j'ai jamais beaucoup aimé rester en place. Mais pourtant, c'est bien vous qui lui aviez donné un gant juste avant qu'il... Ouais, le gauche. Vers les 10 ou 11 heures, je l'ai vu commencer à construire un bonhomme de neige, debout au milieu du bled, avec la seule main qui lui restait, justement. Tout était calme, plus personne ne tirait. Je crois que la mort de Sissou avait écœuré même les Boches. Des deux côtés, on l'encourageait. Oh, on se moquait pas, hein, c'était pas méchant, parce que tout le monde avait compris qu'il avait plus sa raison. Les Boches lui ont même lancé une vieille pipe pour qu'il la mette au bec de son bonhomme, et nous, un canotier qu'on avait trouvé là. Eh hey, Bleuet, tu devrais lui faire une moustache aussi, que ce soit un vrai poilu, quoi. Si on a la chance de rester tranquille jusqu'à la nuit, on enverra du monde ramener discrètement les quatre autres. Il faut croire que la chance n'était pas avec nous ce dimanche de merde. Bref, à 11h donc, ou quelque chose comme ça, je repars de bingo pour je sais plus quoi qu'on m'a demandé de faire. Eh hey, Pou, tu veux bien aller rendre sa boîte de cachot au guetteur d'à côté ? Il va encore nous faire une crise sinon. Tout de suite, caporal. Je m'en vais tuer père et mère pour lui rapporter ça. Et je laisse le Bleuet en train de bâtir son bonhomme de neige, aussi pépère que si le monde n'existait plus. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là ? L'Esquimau était planqué dans un abri qu'il s'était creusé pendant la nuit. Quant au paysan de la Dordogne, il donnait aucun signe de vie depuis qu'il avait monté l'échelle de tranchée, les bras liés dans le dos. Bon, je pense qu'il a été tué le premier des cinq dans la nuit du samedi, par les fusils mitrailleurs ou les grenades. En tout cas, quand on l'appelait, il n'a jamais répondu. Continuez. Quand je suis revenu dans la tranchée vers midi, le temps s'était gâté. Ça canardait comme au plus mauvais jour de l'automne. On m'a dit qu'un avion allemand avait survolé le terrain plusieurs fois en mitraillant à tout va. Et que le Bleuet s'était fait descendre. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Un albatros s'est passé trois fois de suite à moins de 15 mètres du sol ! Impossible de tirer ! Il aurait fallu sortir la moitié du corps de la tranchée, ceux d'en face te couper en deux. L'albatros, c'est un zinc Bosch de 1915, avec un mitrailleur à l'arrière. Ah, j'imagine bien ce sale coucou qui vole au ras du sol pour voir quel bordel s'est installé entre les deux tranchées. Il a repéré des Français dans le bled, alors il revient une deuxième fois en crachant ses balles. Et il tue votre fiancé en éclatant son bonhomme de neige. Il repasse encore une troisième fois en mitraillant tout. Et là, tous les camarades l'ont vu et me l'ont raconté, tout à coup, un gars se dresse dans la neige. C'est l'Esquimau. Il a quelque chose dans sa main droite qu'il jette en l'air. C'est un citron. Une grenade. Et elle explose et emporte tout l'empennage du biplan qui s'en va tomber comme une feuille morte à 1 kilomètre de là et va exploser à l'intérieur des lignes ennemies. Bien joué, l'Esquimau ! Qu'est-ce qu'il aura mis ? La ferme, bande de cons ! Maintenant, planquez-vous ! Je pense bien que mes camarades ont dû crier bravo. Mais pas tous. Pas ceux qui ont vu l'Esquimau fauché par les dernières balles de la pourriture de mitrailleuse. C'est sûrement à cause de cet albatros que les choses ont basculé. Et que ce dimanche a finalement tourné à la tuerie. Jusque-là, les Boches croyaient ce qu'on leur avait crié de chez nous, que les cinq gars étaient sans armes. Mais il y avait tant de choses ensevelies dans la neige. L'Esquimau avait trouvé une grenade. D'abord, on n'a fait que tirailler. Il tombait quelques tomates, des bonhommes ont pris des coups, et puis les Boches se sont arrêtés. Alors on a entendu ce bruit de chariot qui annonce les gros noirs, les chaudrons de l'enfer. Et dans le bled, à travers la fumée des explosions, on a vu surgir les bras en l'air, couverts de neige et de boue, ce Marseillais qu'on appelait droit commun. Il était tourné vers la tranchée allemande et il hurlait. Je me rends, tirez pas, faites tourner, je me rends. Je me rends. Putain, con. Celui-là, il nous a trop fait chier. Je me le fais. Quoi ? C'est un soldat français qui a tué Ange Bassignano ? Un caporal. Tout venait, il s'appelait. Je l'aimais pas beaucoup parce qu'il était radin avec ses hommes. Mais il aurait pas manqué une boîte de singes à 60 mètres. Avant que quelqu'un puisse le retenir, il a descendu le Marseillais d'une balle en pleine nuque. Le coup du boucher. Le lendemain, quand tout a été fini et que le plus haut en grade qui nous restait, le sergent-chef Favard, lui a demandé pourquoi il avait fait ça, Touvenel lui a répondu « Hier, quand tout allait bien, on a entendu ce Jean-Foutre promettre aux Boches que s'il lui ouvrait les fils de fer et le traitait bien, il leur dirait combien nous étions et où étaient planquées les mitrailleuses. » C'était vrai ? J'en sais rien. Ouais, c'est bien possible. En tout cas, voilà comment ils sont tous morts. Après, l'artillerie Bosch a bombardé à gros calibre notre première ligne, sans même se gêner de démolir la sienne. Les fusées pour lui faire allonger le tir partaient de très loin, et on a compris que ceux d'en face avaient évacué leurs tranchées depuis un bon moment. Le capitaine Favourier a ordonné d'évacuer la nôtre. On a emporté 3 tués, dont le lieutenant Estrangin, et on a quitté Bingo en vitesse. Moi, je me suis occupé des blessés. Quand je suis retourné à l'avant, peut-être une demi-heure après, nos deux compagnies s'étaient déportées de 300 mètres à l'est, dans les tranchées. Ça tombait toujours, mais quand même moins que sur Bingo. Alors, le capitaine Favourier a dit... Il faut nous rapprocher. Ces fumiers n'arrêteront pas de pilonner avant qu'on soit prêt à mordre le cul des leurs. Et c'est comme ça qu'on est parti au grand-père. Drôle de grand air. J'aime pas repenser à ça, mademoiselle. Et encore moins en parler. Et puis à quoi ça sert ? Je vous dirais seulement qu'il nous a fallu jusqu'à la nuit noire pour avoir cette tranchée pourrie, et que sur la butte, nous avons laissé plus de 100 bonhommes tués ou blessés. Le capitaine Favourier était touché au ventre. Avec d'autres camarades, j'étais près de lui quand il agonisait. Dites-moi un peu. Oui, mon capitaine. Vous êtes orphelin, vous. Ah oui, ça fait un bail. Je m'en doutais. Il a fait appeler le sergent-chef Favard, qui devait prendre le commandement de ce qui survivait de nos deux compagnies. Je l'ai entendu dire ce qu'il pensait de notre chef de bataillon, le commandant Lavrouille, qu'on appelait la Trouille. C'est lui qui devrait aller au peloton, ce fumier. Puis, quelque chose à propos d'un ordre qu'il avait reçu avant l'attaque et d'un papier que la Trouille avait gardé sous le bras. Mais il s'est aperçu qu'on était plusieurs à l'écouter et il nous a dit d'aller nous branler ailleurs. Bande de voyeurs ! Des brancardiers l'ont emporté. Il est mort avant d'arriver au poste de secours. Avec deux camarades, j'ai passé la nuit à faire le va-et-vient entre nos anciennes positions et cette tranchée allemande, pour apporter à boire et toute la bouffe qu'on pouvait dénicher dans le secteur. Au petit matin, la canonnade s'est tue. Il s'est remis à neiger. Des bonhommes réclamaient du tabac et de l'agnole. J'ai dit comme d'habitude que j'allais tuer père et mère pour leur trouver ça. Et c'est en le disant que j'ai compris la question du brave Favourier. L'expression m'était devenue tellement machinale que j'en avais même plus conscience. Aujourd'hui, quand elle m'échappe encore, je pense au capitaine, et ça me fait tout drôle. Un peu comme si c'était de lui que j'étais orphelin. On m'a dit que c'était des Britanniques qui avaient enterré les corps. Des Terre-Neuve nous ont rejoints en première ligne un peu avant midi. Et puis après sont arrivés de l'arrière des Écossais en kilt, des Anglais et des Irlandais, pour nous relever sur toutes nos positions. Ce soir-là, le lundi, de retour au cantonnement, j'ai apporté la soupe au sergent-chef Favard et au caporaux, pendant qu'ils dressaient l'état des pertes. J'ai entendu qu'on détachait les condamnés à notre bataillon à la date du samedi 6 janvier et qu'on les comptait parmi nos tués au combat. Le caporal Chardolo l'a trouvé saumâtre. Il a même dit que ça puait à plein nez l'ouverture d'un parapluie. Le sergent-chef pensait probablement la même chose, mais il a répondu que les ordres étaient les ordres, et que la Trouille devait avoir ses raisons et que les choses sont ainsi. La nuit est tombée. On a allumé les lanternes de la terrasse et du jardin. J'ai préparé une omelette que j'ai servie avec de la viande froide et des fruits sur la grande table en osier. Célestin Pou, à lui seul, a mangé l'omelette et pratiquement tout le reste. Vous allez dormir à la maison, monsieur Pou. Rien ne vous presse, j'espère. Non, non. Vous savez, moi, un moment je suis ici, un autre là. J'ai aucune obligation. Ah ouais, je suis un fils du vent. Le lendemain, Mathilde reçut le télégramme qui devait annoncer l'arrivée de Célestin Pou à Cap-Breton. « Et dénichez le seul époux de la guerre qui vous intéresse. Stop. Vous l'envoie à la grâce de Dieu et des moteurs triomphe. Stop. Mes frais en plus, évidemment. Signé Germain Pire. Eh bien, il n'était pas si pire que cela, finalement, notre ami. » Sylvain, mais d'où vous venez tous les deux ? Votre quartier maître aurait tué père et mère pour essayer la moto, alors je viens de faire un tour. C'est qu'il n'y avait plus de pain pour le petit déjeuner. Si tu voyais la souplesse avec laquelle Monsieur Pou manie sa machine, on a l'impression de glisser sur l'air, c'est magique. Vraiment ? J'ai hâte de découvrir ça. Quand vous voudrez, mademoiselle. Vous voulez un biscuit ? Non, merci, c'est gentil. Merci, Sylvain. Voici toutes les lettres que j'ai reçues depuis le début de mon enquête. Et aussi les copies de celles des 5 condamnés de Bingo. J'aimerais que vous jetiez un œil sur celle-ci. Benoît Notre-Dame ? Qui c'est ? Vous savez, c'est celui qu'on appelait cet homme. Ah, le paysan. Chère épouse, je t'écris cette lettre pour t'avertir que je serai sans t'écrire un moment. Dis au père Bernet que je veux tout régler pour le début mars. Sinon, tant pis pour lui, il nous vend son engrais trop cher. Vous ne remarquez rien ? Fort et que rien de mal ne peut lui arriver pourvu qu'il écoute sa maman chérie. Moi, je connais encore personne. Les coder. Qu'on me tue mon père et ma mère si je me trompe. Oh, laissez donc vos pauvres parents reposer en paix. Évidemment qu'elle est codée. Ce que je veux, c'est la clé de ce code. Vous pourriez la déchiffrer ? C'est difficile. Tous les époux ou les fiancés avaient leur propre système pour tromper la censure. Par exemple, certains mots avaient une seconde signification, mais forcément, seul le couple en question pouvait la connaître. Même un spécialiste du contre-espionnage s'y serait cassé les dents. Mais il y avait aussi d'autres méthodes. Moi, j'en connais 3. Celle qu'on appelait le saut de puce. Ça consistait à lire la lettre en sautant des mots par groupe de 2, 3 ou 4. La carte du tendre. C'était de ne lire que les lignes convenues d'avance. Et vous pensez que cet homme, enfin le paysan, aurait pu employer l'une de ces méthodes ? Ça y ressemble pas trop. Il y avait aussi l'ascenseur. Alors avec celle-là, il fallait aligner les mots sur la page de telle sorte qu'on puisse lire une phrase secrète dans un sens ou dans l'autre, à partir d'un mot repère. Mais si c'est ce code-là que les Notre-Dame ont utilisé, alors il faudra avoir l'original de la lettre, parce qu'une copie ne voudra jamais rien dire. Et ce rapport-là, c'est quoi ? C'est le résultat des recherches menées par mon parrain, Pierre-Marie Rouvière. Les 15 condamnés à mort ont été graciés par le président Poincaré le 2 janvier 1917, soit 4 jours avant l'affaire de Bingo Crépuscule. Leurs peines ont été commuées en travaux forcés. Le défenseur de Manèche a reçu notification de la grâce le 4 janvier dans son cantonnement. Mais les autorités concernées ont dû être prévenues avant lui. Par télégramme. Vous êtes sûr que cette notification existe ? Mais je l'ai vue. J'ai lu le nom de Manèche et celui des 14 autres condamnés. J'ai vu la date et la signature de Raymond Poincaré. Peux-tu imaginer qu'il se soit trouvé un seul chef de nos armées pour passer outre à cette signature ? Voilà de quoi parlait le capitaine avant de mourir. C'est la grâce de Poincaré que le commandant Lavrouille avait gardée sous le bras. Mais pour quelle raison il aurait fait ça ? Est-ce que je sais ? Parce que c'était un fumier, voilà tout. Ou parce qu'il voulait mettre des bâtons dans les roues à plus haut que lui. Ou parce qu'il voulait faire porter le chapeau à Favourier, n'importe quoi. Ah, si j'apprenais un jour qu'il a refusé d'arranger les choses pour pas interrompre un bon dîner, je serais pas étonné. Je vous resserre du café ? Ça ira pour moi, merci Sylvain. Ah, moi j'en veux bien, il est sacrément bon. Merci. Vous connaissez Tina Lombardi ? Qui ? La fiancée de droit commun. Elle a passé des mois à courir la zone des armées pour essayer de le retrouver. Non, jamais entendu parler. Tina Lombardi est sûre que 2 des 5 condamnés ont survécu à Bingo. L'un, elle pense que c'est l'Esquimau, parce qu'il avait des bottes allemandes aux pieds. Sauf qu'elle se trompe. Parce que Benjamin Gord lui avait échangé ses souliers, juste avant cette fameuse nuit. Mais l'autre survivant, elle est persuadée que c'est son homme, le Marseillais. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous avez raison pour les bottes. Le caporal Gord avait troqué ses souliers et ses molletières pour les prendre. Lui et l'Esquimau, ils s'étaient connus dans un autre régiment. Le caporal était navré de voir son copain dans ce pétrin. Est-ce que Benjamin Gord aurait été évacué avec un autre blessé pendant les combats? Un blessé plus jeune et à qui il manquait une main? Un plus jeune, oui, mais je sais qui c'est. C'était un gars de la classe 1916 qui venait des Charentes, comme moi. On l'appelait La Rochelle. Pendant la nuit, ils étaient partis tous les deux ramener des prisonniers à l'arrière. En revenant, ils ont dû se ramasser quelques marmites. Parce que plus tard dans la tranchée, j'ai entendu des brancardiers qui les avaient croisés en route. Ils nous ont dit que le caporal Gord était touché à la tête et pissait le sang. Mais qui portait sur son dos un jeune encore plus mal en point, qui s'appelait Rochelle ou De La Rochelle, et qui l'emmenait au poste de secours. Je sais pas ce qui leur est arrivé ensuite. Benjamin Gord est mort à l'hôpital de Combles, dans un bombardement. Oh merde alors. Pauvre caporal. C'était pas un rigolo, il était même du genre un peu ours. Mais c'était un brave bonhomme. Ce jeune homme, La Rochelle, vous l'avez vu? Ah non, je vous dis, je m'occupais des autres. Mais après? Après quoi? Après Bingo, voyons. Mais j'en sais rien, moi. J'ai la tête pleine comme un melon avec toutes vos questions. Je sais même plus ce que j'ai vu ou entendu pendant cette saleté de dimanche. Excusez-moi, je vous en demande trop. Mais s'il y avait le moindre doute... En tout cas, si l'un des cinq a pu sortir de là, ça peut être que cet homme, le paysan. Et pourquoi lui? Pour sortir de là, il fallait tout de suite se trouver un bon trou et la boucler. Il fallait se faire oublier toute une nuit, puis encore tout un jour, manger de la neige, faire ses besoins sans pouvoir bouger un orteil, attendre. Sissou chante le temps des cerises. Ma neige construit un bonhomme de neige. Droit commun veut se rendre. L'Esquimau descend un biplan à la grenade. Il n'y a que lui, cet homme, le plus fort et le plus calme des cinq. Je le sais, je l'ai vu dans la canière. Il n'y a que lui qui pouvait s'en sortir. Mais il s'en est pas sorti non plus. Je vous le dis, il en tombait trop. Vous comprenez? Il en tombait trop sur Bingo et sur le bled. Même nous qui étions dans un bien meilleur abri que lui, on se faisait massacrer. Merde, j'ai plus de cigarettes. Emmenez-moi là-bas. Où? À Bingo. Mais enfin, mademoiselle. Il faut que j'y aille. Je veux voir de mes yeux cette saleté d'endroit. C'était... Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation, Catel Guillou. Septième épisode avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, Olivier Broche, Germain Pire, Thomas Agols, Célestin Pou, Franck Laurin, Sissou, Francis Gagnard, Félicien Jutner, Droit commun, Ange Bassignano, Nicolas Gonzalez, le caporal Urbain Chardelot, Bertrand Suarez Pazos, le capitaine Favourier, Benoît Marchand, le lieutenant Estrangin, Joren Hegele, Pierre-Marie Schneider, Johannes Hamm, les soldats allemands. Et bien d'autres. Bruitage. Bertrand Amiel. Équipe de réalisation. Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zand. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À demain.